Section 22 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Chapitre 22. Il ne fut pas nécessaire de brûler de la corne pour que Charlotte reprît connaissance. Comme la première fois, les aspersions d'eau vinaigrée sur le visage et les frictions dans les mains suffirent pour la faire revenir de sa défaillance. Peu à peu, les fonctions du cœur se rétablirent, le sang recommença à arriver au cerveau, les poumons se soulevèrent et les yeux reprirent l'expression de la vie. En voyant son père penché sur son lit, elle remua les lèvres comme pour parler, mais de sa main vivement levée, M. de la Hérodière lui imposa silence. « Je t'en prie, dit-il, ne parle pas. « Ne t'agite pas. Tu as besoin de calme. Barbe va te déshabiller et te mettre au lit. Laisse-toi faire comme un enfant, sans te soulever, pour ne pas provoquer une nouvelle syncope. Je reste là, dans ma chambre. Quand tu seras couché, je reviendrai. » Puis, s'adressant à la servante, « Fais tout cela sans parler, dit-il, et autant que possible, en évitant le bruit. » Quand au bout de quelques minutes, M. de la Hérodière revint dans la chambre de sa fille et les trouva celle-ci étendue dans son lit. « Comment te trouves-tu, mon enfant ?» Je suis anéanti. Il me semble que je n'ai plus ni force ni idée. Je ne vis plus. » Il voulut lui prendre le bras pour lui tâter le pouls, mais il sentit qu'elle faisait une certaine résistance, et en même temps il lui sembla entendre sous le drap le bruit d'un papier froissé. Il comprit qu'elle tenait dans sa main les lettres de Georges qu'il venait de lui remettre quelques instants auparavant. Il n'insista pas, car ce qu'il désirait avant tout, c'était éviter ce que pouvaient rappeler ces lettres et provoquer une nouvelle crise. Jusqu'à une heure assez avancée dans la nuit, elle resta ainsi immobile, ne dormant pas, mais ne parlant pas non plus. Quand son père venait de temps en temps la voir, marchant avec précaution sur la pointe des pieds et s'appuyant au mur pour ne pas faire de bruit, il la trouvait les yeux grands ouverts, regardant dans le vide. Au milieu de la demi-obscurité qui emplissait la chambre, ses pupilles grandement dilatées lançaient des éclairs. Tourmenté par l'inquiétude, M. de la Hérodière n'avait pas voulu se coucher, et laissant ouverte la porte qui faisait communiquer sa chambre avec celle de Charlotte, il occupait sa nuit à mettre en ordre les notes qu'il prenait chaque jour et que ses promenades des derniers temps l'avaient obligé à négliger. Poussant la précaution jusqu'à l'extrême, il avait pris sur le bureau de sa fille une plume de fer afin d'éviter le craquement de la plume d'oie dont il se servait ordinairement. Tout en écrivant laborieusement, car sa plume à chaque instant crevait son papier, il prêtait l'oreille, et quand il entendait un bruit insolite, ou bien quand le silence l'effrayait, il entrait dans la chambre de Charlotte et s'avançait doucement jusqu'au lit. Il la contemplait un moment, puis il retournait au travail. Entre 1h et 2h du matin, elle commença à se tourner et à se retourner dans son lit, et une agitation fébrile succéda à la prostration qui tout d'abord l'avait accablée. Elle prononça quelques mots inintelligibles, entrecoupés de silence, puis bientôt elle se mit à parler sans arrêter, jetant ses bras en avant, s'asseyant sur son lit. L'inquiétude qui tourmentait M. de la Hérodière se changea en épouvante. Il réveilla Martin et l'envoya à Vannes chercher le médecin. Celui-ci arriva à 7h seulement. Le délire n'avait pas cessé. L'état était grave, tout faisait craindre une fièvre cérébrale. Assurément, si Georges, au lieu d'être à Paris, avait été à la crique, M. de la Hérodière serait allé lui dire « Sauve ma fille, et je te la donne pour femme. Ce que tu fais est bien fait, ce que tu penses est bien pensé, tu as raison et j'ai tort. À l'avenir, je n'aurai pas d'autres idées que les tiennes. Je parlerai par ta bouche et verrai par tes yeux. » En réalité, ce n'était pas Charlotte qui était en cause dans cette rupture. C'était lui, la Hérodière. Ce n'était pas parce que Georges avait des griefs contre sa fiancée qu'il se retirait, mais c'était parce que son beau-père en avait contre lui. Si le beau-père s'effaçait, les motifs de rupture s'effaceraient en même temps. Le mariage se ferait, et même il se pourrait qu'il fût heureux. En tout cas, était-il admissible que pour détourner de sa fille un danger qui se réaliserait ou ne se réaliserait pas, dans l'avenir, on l'exposât immédiatement à la mort? Il en était là de ces tristes réflexions, lorsqu'on vint le prévenir que Narbanton demandait à le voir. Il descendit. Narbanton vint à lui, vivement ému, anxieux, presque tremblant. « Et quoi, dit-il, ce que votre jardinier me raconte est-il possible? Mademoiselle Charlotte est-elle menacée d'une fièvre cérébrale? Ce n'est que trop vrai. » Alors M. de la Hérodière raconta comment la veille, en revenant de leur promenade, Charlotte avait éprouvé deux syncopes, et comment, dans la nuit, elle avait eu un accès de fièvre, avec délire. Et maintenant ? Maintenant, sous l'influence des révulsifs puissants que le médecin vient de lui appliquer, il y a un peu de calme. Pendant quelques secondes, ils restèrent, se regardant les yeux dans les yeux, puis M. de la Hérodière, dans un geste d'entraînement, tendit la main à Narbanton. « Bien que notre connaissance ne date pas encore de plusieurs années, dit-il, j'ai pour vous trop d'amitié pour m'en tenir à ces quelques paroles, et je vois dans vos yeux trop de sympathie pour n'être profondément touché de l'intérêt que vous nous témoignez. Vous êtes un homme d'honneur, un brave cœur, et j'ai pleine foi en vous. Dans l'angoisse cruelle où me jette la maladie de ma pauvre enfant, vous qui connaissez Georges à fond et qui avez sans doute reçu ses confidences, si toutefois Georges est homme à se confier à un ami, vous pouvez peut-être me venir puissamment en aide. » Sans répondre, Emmanuel serra la main de M. de la Hérodière dans une étreinte qui en disait plus que de longues protestations. « Il faut que vous sachiez, continua M. de la Hérodière, que ma femme avait arrangé un projet de mariage entre son neveu Georges, qu'elle aimait beaucoup, et notre fille. Pour des raisons trop longues à dire, ce projet n'était pas définitif, et il était entendu que Georges et moi, nous n'étions pas absolument engagés l'un envers l'autre. Nous avions un délai pour nous déterminer. Ce délai était sur le point d'expirer. Georges l'a devancé. Avant-hier, il m'a averti qu'il renonçait à ce mariage. Hier, en rentrant, nous avons trouvé une lettre par laquelle Georges nous prévenait de son départ pour Paris. Car j'oubliais de vous dire que Georges n'est plus ici, il est à Paris. Son indisposition du matin était fausse. C'était un moyen pour rendre son départ plus facile. Et c'est en apprenant ce départ que Mademoiselle Charlotte a éprouvé une syncope ? Demanda Emmanuel d'une voix hésitante. C'est après avoir lu une lettre qui lui était adressée par Georges, car il avait laissé deux lettres, une pour moi et une autre pour Charlotte. Cette syncope a donc été causée par une profonde douleur, ou tout au moins par une vive émotion. C'est ce que je voulais dire. Une jeune fille n'apprend pas la rupture de son mariage sans un certain trouble, alors surtout qu'elle est impressionnable, comme Charlotte. Narbanton ne répondit pas tout de suite à cette explication, et pendant assez longtemps, il demeura les yeux baissés. Enfin, il les releva sur M. de la Hérodière. « Je ne serais pas digne de la confiance et de l'amitié que vous me témoignez, dit-il, si je ne répondais pas à votre confiance avec une entière franchise. Ce que vous venez de me dire, je le savais déjà. Georges, vous avez annoncé son départ ? Oui, et c'est parce que je savais ne pas le trouver ici que je n'ai pas voulu débarquer hier avec vous. En effet, il m'avait paru étrange que, croyant Georges indisposé, vous ne vinssiez pas voir comment il allait. Je ne voulais pas être près de vous, ou tout au moins près de Mademoiselle Charlotte, quand on vous remettrait les lettres de Georges. J'avais honte de venir là pour surprendre ses sentiments, et cependant je vous jure que je désirais ardemment les connaître. Il m'a fallu lutter contre ce désir pour ne pas me faire votre espion. Ce n'eût point été de l'espionnage. Pour tout autre peut-être, mais non pour moi. Enfin, je n'ai point cédé à la tentation qui me poussait à débarquer avec vous. Mais ce matin, après une cruelle nuit d'angoisse, je n'ai pas pu rester à Port-Navallo et je suis accouru pour savoir. M. de la Hérodière, surpris de l'accent désespéré avec lequel ces paroles avaient été prononcées, regarda curieusement Narbanton. Celui-ci ne détourna ni la tête ni les yeux pour échapper à cet examen. « Je ne veux pas que vous soyez trompé par des réticences ou par mon silence. » Dans cette angoisse qui me tourmentait, il y avait plus que de l'amitié. Il y avait un intérêt personnel, égoïste même, si c'est de l'égoïsme de souffrir dans la personne qu'on aime. « Vous aimez Charlotte, vous ? Je l'aime. » Monsieur de la Hérodière leva les deux bras au ciel, puis prenant les mains de Narbanton. « Ah, mon pauvre ami, dit-il, mon pauvre enfant !» C'est un singulier moment pour cette confession que celui où nous sommes. Mais ce sont les circonstances plus que la volonté qui nous ouvrent ou qui nous ferment la bouche. Je ne pouvais pas parler quand Georges était ici et que je croyais qu'il aimait lui-même, Mademoiselle Charlotte. Pour me décider, il fallait que je fusse bien certain qu'il ne l'aimait point et que je n'étais pas le rival de mon ami. « Vous êtes certain que Georges n'aime pas ma fille ?» demanda vivement M. de la Hérodière, frappé par ce mot qui répondait à sa préoccupation la plus vive. Il y a une quinzaine de jours à peu près, Georges m'a consulté sur son mariage, en m'expliquant les raisons qui le rendaient hésitant. Ces raisons tenaient surtout à une divergence de sentiments entre vous et lui, assez grande pour lui faire craindre dans l'avenir de sérieuses difficultés. « Ce fut là le seul motif de rupture qu'il vous donna ? » demanda M. de la Hérodière d'une voix émue. « Ce fut au moins par celui-là qu'il commença, mais il m'en donna d'autres, bientôt après. M. de la Hérodière eut un soupir de soulagement. En effet, continua Narbanton, ce motif était insuffisant, et comme je lui faisais cette observation en lui disant que quand on aime une jeune fille, on passe assez facilement sur les défauts qu'on peut trouver chez le père ou chez la mère de celle-ci, il me répondit que cela n'était vrai que quand on aimait aveuglément cette jeune fille, et que pour lui ce n'était pas là son cas. Ainsi il vous dit qu'il n'aimait pas ma fille ? Il me dit qu'il avait pour elle une très vive affection, mais qu'il n'avait pas d'amour. Mais il fit plus que de le dire, il le prouva, comme je m'étonnais qu'il ne fît pas tout au monde pour épouser une femme aussi adorable que Mademoiselle Charlotte, il me répondit « Et si tu la trouves adorable, que ne l'épouses-tu toi-même » Il vous dit cela ? Je comprends que ces paroles dans ma bouche peuvent vous paraître étranges, et je le comprends si bien que je trouve tout naturel qu'elles vous amènent presque à douter de leur véracité. Aussi, je crois devoir aller au-devant de ce doute, et je vous jure qu'elles sont l'expression exacte et sincère de la vérité. J'avais donc raison de croire que vous pouviez me venir en aide, et si ma fille peut être sauvée, ce sera par vous. Comment cela ? Parlez, monsieur, ma vie, mon cœur, ma volonté, tout est à elle, tout est à vous. Fin de la section 22.